Vacarme, c'est fini pour aujourd'hui, mais restez avec nous tout de suite, c'est Histoire Vivante sur la Première. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special this evening, a recording for Blue Note Records. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Tout est venu des Caraïbes, le jazz est venu des Caraïbes, le rap, la salsa, tout ça c'est venu des Caraïbes. Le jazz, c'est une musique pour danser, c'est une musique populaire. Le blues, ça serait plus la musique de l'âme. Cette semaine, la Blue Note. I want to record for Blue Note. And of course, I told him yes. D'une renaissance à l'autre. Avoir le petit logo Blue Note sur son disque, c'est pas beaucoup de musiciens de jazz qui refuseraient. Quelques histoires de jazz. The music, it's about collaboration and freedom. On est passé d'une écoute quasi audiophile de Chanifi à une écoute MP3 sur des smartphones avec des casques. Je ne suis pas du tout musicien, mais j'ai un cœur qui est sensible à ces musiques-là. Je m'appelle Fabienne Leca. Pour me présenter, disons que j'ai une passion, c'est le jazz et le blues qui m'a été donné par mon père, qui, lui, depuis l'âge de ses 17 ans, faisait une collection de vinyles. Petit à petit, j'ai été baignée dans cette musique. Malheureusement, je m'y suis intéressée que très tard. Et mon grand regret, parce que j'avais tellement de choses à demander à mon père qui est décédé maintenant. Et donc, j'apprends de moi-même en me documentant un petit peu partout. Du coup, j'ai monté une association jazz et blues. Quelle musique vous écoutiez, vous ? Ado, c'était « Salut les copains ». Les yéyés. Les yéyés, et j'aimais beaucoup Charles Aznavour, par exemple. C'était vraiment des classiques que j'aimais bien, Jacques Brel. Donc donc le jazz, c'était vraiment une musique de vieux. Oui, mais en fait, j'ai baigné dans cette musique-là, sans m'en rendre compte. Et quand j'ai suivi mon père à la radio pour faire un petit peu de technique, j'ai commencé à m'intéresser. À ce moment-là, j'avais 40 ans, quoi. Attendez, vous avez suivi votre père à la radio. Vous nous donnez quelques précisions là-dessus ? Alors, mon père faisait quelques émissions avec Franck Thénault et Philippe Aki. Et il a décidé de monter une petite radio à Montélimar, qui est devenue Radio Montélimar, Radio M. Et donc, il en était l'un des fondateurs. Et il a fait ses émissions de jazz et de blues là-bas pendant bien une quinzaine d'années, à peu près une vingtaine d'années. Et quand il est venu prendre sa deuxième retraite, comme je dis, il est venu en Bretagne. Je voyais bien qu'il s'ennuyait un petit peu, donc j'ai cherché une radio pour lui. On a trouvé une radio universitaire. Et du coup, la radio universitaire, il n'y avait pas d'employé ni de salarié. Donc j'ai fait la technique. Bien évidemment, j'oubliais d'ouvrir le micro, j'oubliais de lancer le disque, enfin voilà. En fait, j'ai découvert mon père à ce moment-là, toute la connaissance qu'il avait sur le jazz. Et j'ai découvert cette musique à ce moment-là. Alors qu'on essaie de se représenter, la discothèque d'un homme pareil, c'est quoi ? Oh, il a plus de 6000 disques, donc j'en ai la gestion pour l'instant avec mes frères. Ils m'ont dit, hop, hop, hop, on te laisse tout ça, tu en gardes la gestion. Je réfléchis à essayer de le faire connaître un petit peu à tout le monde. Ce patrimoine qu'il a laissé, j'aimerais bien le... Sous quelle forme ? Sous forme numérique, j'aimerais bien enregistrer tous ses CD et puis tous ses documents. Il a des classeurs de paroles de blues, mais incroyable. Ses propres retranscriptions. Ses propres retranscriptions. Il a fait beaucoup de recherches parce que le blues, c'était vraiment ce qui l'intéressait. Et donc, du coup, j'aimerais continuer dans sa lancée, essayer de voir un petit peu ce que je peux faire avec tout ce patrimoine. Votre père, à votre connaissance, a interviewé également des musiciens ? Oui, il en a interviewé beaucoup. Il allait notamment à des concerts et puis il prenait son petit appareil, il interviewait tous les grands musiciens. Je me rappelle, une fois, j'étais allée avec lui à un concert, j'étais toute jeune, j'avais 9-10 ans. All right. Et j'étais montée sur scène parce qu'un musicien m'avait demandé de monter pour jouer du violon. C'était, je me rappelle, Clarence Gatemouth Brown. Le musicien voulait que je joue avec lui du violon, mais non. Il a fallu que je prenne le violon moi-même et que je joue, évidemment. Ça sonnait faux et j'ai fait rire toute la salle. Et donc mon père a conservé tout ça. Et il était fier comme tout et il aimait recueillir les impressions des musiciens quand il pouvait. Quoi. Fabienne Leca, Votre rencontre à vous avec le jazz, est-ce qu'elle se fait par infusion lente ou bien, dans votre souvenir, il y aurait un jour, une date, une heure, un enregistrement, un disque, un morceau peut-être, ou un artiste? Ah bah, ça a été un morceau, je vais vous dire tout de suite, c'est Lionel Hampton, Flying Home, que j'ai écouté à la radio. The master of the drums with his all-time big record of Flying Home, it's Lionel Hampton. Lionel. Et je sais que mon père l'écoutait souvent. Je dis, mais ce morceau, je le connais, mais de qui il est? Et il a commencé à raconter la vie de Lionel Hampton. Je suis restée là, c'est là où j'ai oublié d'ouvrir les micros, etc. À l'écouter, mais j'ai dit, mais c'est passionnant. Du coup, dans ces émissions, je faisais beaucoup plus de recherches et j'écrivais un peu plus sur sa rédaction d'émissions. Et c'est comme ça que je me suis intéressée un petit peu au jazz et au blues. Mais ça a été vraiment comme le une révélation. Frontière. Oui, voilà. Alors vous dites, très intéressant cette biographie de Lionel Hampton, restons dessus. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la vie de Lionel Hampton, dont je rappelle qu'il était vibraphoniste? Vibraphone, c'est sur des lamelles de métal, ouais. Et xylophone, des lamelles de bois. En fait, c'est son punch dans la musique, sa vivacité. Puis l'orchestre qu'il avait monté avec les musiciens, enfin, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis cette musique-là qui emportait tout le monde. Quoi. C'est contagieux. C'était contagieux, oui. Et puis lui-même sur scène, il était vraiment contagieux. On voyait qu'il aimait ça. Et... Ah oui, j'ai trouvé ça extraordinaire. Est-ce que c'est avant tout la joie, l'allégresse, le swing qui a été... l'ingrédient principal, ou des éléments de la biographie de Lionel Hampton ont pu également vous toucher? Il faut quand même rappeler ce paradoxe entre l'origine de cette musique, oui, qui est quand même née dans la souffrance, oui, mais qui exprime une joie, un swing, oui, une gaieté qui amène à bouger. Oui. Quoi. Je ne sais plus qui disait ça, je pense que c'était Jerry Roll Morton qui disait « Le jazz, c'est fait pour faire danser le cul des négresses », entre parenthèses. Le jazz, c'est une musique pour danser, c'est une musique populaire. Le blues, ça serait plus la musique de l'âme qui exprime les souffrances, mais aussi, ça peut être des blues coquins aussi, ou une façon de dire les choses indirectement. Voilà ce que je trouve dans la différence entre le jazz et le blues. Bon, certains ne sont pas d'accord avec moi, parce qu'il y a des jazz qui peuvent être tristes et des blues qui peuvent être gays. Pour moi, c'est la grande différence, elle est là. Qu'est-ce que vous savez de la façon dont votre père a procédé quant à ce travail de fond qu'il a mené pour devenir à ce point et collectionneur? Collectionneur, on peut imaginer à peu près comment on fait, mais après, pour se cultiver. Et est-ce que, de votre côté, Fabienne Leca, désormais, en compagnie de Pierre Leca, votre époux, vous vous inspirez de ce travail précédent pour le poursuivre? Il y a tellement de groupes, de musiciens, d'albums qui sortent régulièrement chaque semaine. Bon, faire une collection comme le faisait mon père à son époque, c'est impensable. Ouais. Ce que j'ai remarqué pour ces personnes de cet âge-là, c'est qu'ils ont écouté une fois un morceau et ça a été le coup de cœur, et c'est depuis qu'ils ont continué à chercher à s'instruire dans le jazz. Bon, il y avait très peu de disques, il fallait les faire venir des États-Unis. Donc, il les collectionnait et ils en prenaient soin. Pierres précieuses, oui. C'était des pierres précieuses. Et dès qu'ils en trouvaient un, c'était presque le Graal. De nos jours, on peut écouter du jazz sur n'importe quel réseau. Oui, tout ça, c'est banalisé à l'extrême. Voilà, ouais. Ce que je trouve un peu dommage. Maintenant, on revient un petit peu au vinyle aussi pour les conserver. Mais je ne suis pas collectionneur comme mon père aurait pu le faire. Un petit mot, puisque l'histoire du jazz, comme d'ailleurs l'histoire auparavant de la musique dite classique, est une histoire de soubresauts, de cassures, de nouvelles générations qui considèrent que ceux d'avant ils sont véritablement trop vieillots et qu'il faut les enjamber d'arda. Le jazz également, c'est une histoire de rupture. Parmi ces ruptures, on peut considérer qu'après le jazz dit classique, et encore lui-même étant une certaine forme de rupture par rapport à ce qui existe précédemment, des séquences comme le bebop, puis le hard bop et le free jazz après vont faire exploser les frontières. Voilà, c'est vrai que ça a été une période où c'était une manière pour les musiciens noirs de sortir un petit peu du lot les musiciens blancs en quelque sorte, et d'exprimer un petit peu, voilà, se dire bon ben, on va pas cette fois-ci nous copier, et on exprime vraiment le malaise de la société, enfin le malaise qu'il y avait. Je considère le jazz un petit peu comme la musique classique. On dit, ça part des années 20 jusqu'au jazz actuel, ça évolue. La musique classique, elle évolue aussi, mais il y a beaucoup d'interprétations, et dans le jazz, c'est la même chose. Et c'est les interprétations qui sont intéressantes, suivant la personnalité et l'émotion que l'on met dans sa musique. The time has come when we may run to the hills, the mills in search for a thing we call fun. But we've got to get it on so we can live long, grow strong and truly belong to a race or equal. The creator will never, never need a sequel. So we ask you all to join us in a universal prayer, every man and woman. Galliano, Prince of Peace, en 1992. Pour vos oreilles à vous, vous avez des dates d'arrivée, des choses qu'il ne faut pas trop dépasser? Pas du tout, pas non, du tout. Vous avez l'oreille souple? Oui. C'est un coup de chance. Le pire, c'est que je ne comprends pas des musiciens qui s'arrêtent à un style de musique, surtout des musiciens qui devraient avoir la curiosité de voir un petit peu ce qui se passe à côté, qui s'arrêtent à un style et qui n'essayent pas d'avoir l'envie de connaître un petit peu pourquoi il y a une musique autre qui pourrait leur donner des envies de travailler là-dessus. Enfin, avec quelques arguments qui plus est ayatollesques parfois. Oui, exactement. Hein. On ne doit pas dépasser février 1912 parce qu'après c'est parce que c'est plus du jazz ou voilà, ou ouais. Avant c'est pas du jazz, après c'est pas du jazz, mais au milieu là des années 30-40, c'est du jazz. Qu'est-ce que c'est ça à votre avis? J'ai une version d'une personne qui est assez âgée là maintenant que je pourrais trouver de valable, c'est-à-dire qu'à partir des quand le jazz est venu en France, il y a des intellectuels, Borisian, etc., qui ont pris cette musique et qui, en quelque sorte, l'ont fait évoluer avec les musiciens de jazz et les gens qui voulaient se montrer, se paraître, disaient « moi j'aime ce style de jazz-là, le jazz classique ». Les classiques et les modernes, pour faire la roue. Et donc cette personne-là pensait que c'était déjà au départ cette envie de paraître et de dire ben moi j'aime le jazz comme Boris Vian et donc ben, je suis moderne, je suis bien. Ouais, ça raconte une frontière intellectuelle. Non, même pas, je crois que c'était une mode aussi à l'époque. Une frontière politique? J'avance peut-être. Des pions. Hein. Peut-être qu'en France, oui, c'était une frontière politique et ça permettait de distinguer les gens de droite et les gentils et les méchants. Et voilà, les gentils et les méchants. Merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Bon, je vous remercie. Mais vous, M. Boris Vian, votre ambition personnelle, à vous, quelle est-elle? Moi, c'est conserver un endroit où je puisse, avec mes camarades, faire le plus longtemps possible la musique de jazz sans concession. Mmh. Et vous n'avez pas eu trop de malheur jusqu'ici avec les habitants du quartier? Oh non, à part quelques sourds sur la tête, des têtes de poissons pourris, des tomates, enfin des choses comme des choses plutôt nourrissantes. Mais il faut souffrir pour l'art. Ah, il faut souffrir pour l'art. Je suis Pierre Leca, j'habite à l'ouest de Brest et je fais partie d'une association qui s'appelle le Hot Club Jazziroise, qui a pour objectif de promouvoir le jazz et le blues à la pointe de la Bretagne. Je ne suis pas du tout musicien, mais j'ai un cœur qui est sensible à ces musiques-là. Et comment ce cœur-là rencontre-t-il cette musique-là? Alors c'est une histoire familiale, c'est mon épouse dont le père était un fervent collectionneur de jazz, comme un certain nombre de gens qui ont découvert le jazz dans les années 40, par un disque, etc., et qui n'ont eu de cesse que de chercher des disques, de voir qu'est-ce que c'était que cette musique à l'époque où Internet n'existait pas. Et donc c'était un grand collectionneur de jazz, et mon épouse a baigné dans cette musique-là. Vous me disiez avant l'ouverture de ce micro que vous n'aviez pas coutume de faire du livret, encore moins du livret de jazz, et que vous n'étiez pas un historien de jazz à proprement parler. En revanche, vous avez travaillé sur un objet dont on va parler oui. Aujourd'hui. En fait, on est allé un jour à un concert à Brest d'un orchestre, et il y a un étudiant en histoire qui nous a raconté que, 100 ans avant, au moment de la guerre 14, un orchestre de jazz avait débarqué à Brest et avait apporté le jazz. Quand on a appris ça, on a dit, tiens, on venait de créer l'association, ça serait bien de faire quelque chose pour le centenaire. Et on a commencé à chercher, on s'est aperçu que l'histoire n'était pas du tout celle qu'on nous avait racontée. Et donc, finalement, c'est une histoire qui raconte à la fois l'histoire d'un chef d'orchestre new-yorkais, donc on n'est pas à la Nouvelle-Orléans, etc., avec un régiment américain, noir américain, donc qui est venu en France pour la guerre, mais qui a été versé dans l'armée française pour des questions de ségrégation, du moment que les Américains ne voulaient pas que les Noirs combattent. Et donc on versait des régiments de soldats combattants noirs dans l'armée française pour pas avoir à les encadrer, etc. Et il se trouve que ce régiment a été le régiment américain le plus décoré de la guerre 14, qui est resté le plus longtemps au front, etc. Donc ce régiment qui débarque à Brest, il a un orchestre qui est dirigé par James Reese Europe, qui est le chef d'orchestre finalement le plus célèbre de New York de ces époques-là, qui est un noir américain, qui est fils à la fois d'un côté d'un pasteur qui était né esclave. Sa mère était d'une famille bourgeoise émancipée noire, donc sa mère connaissait la musique classique, son père connaissait tout ce qui est chant religieux et chant traditionnel noir, et donc il est élevé dans cette musique, et c'est une famille de musiciens. Et il va s'installer à New York au début des années 1900. Alors il est musicien, il est violoniste au départ, mais le violon c'est pas ce qui marche le mieux, donc il va se mettre à jouer du piano et chef d'orchestre, et surtout comme compositeur et organisateur de concerts. Il va petit à petit, un peu par hasard, il va devenir l'homme qui va organiser les concerts dans les soirées privées à New York. Il va pousser les gens à être plus rigoureux dans leur interprétation, etc. Et donc va se créer ce qu'on appelle le Klee Club, qui va être un premier syndicat de musiciens noirs américains de Harlem et de New York. Il va devenir le premier président de cette association, qui va organiser les engagements pour les musiciens noirs dans les soirées, dans les concerts, etc. Faire des contrats, éviter qu'en plus de la musique, ils fassent la vaisselle, parce qu'ils sont musiciens. Mais en échange de quoi, il leur demande de la rigueur, il leur demande de bien s'habiller, il leur demande de lire des partitions ou de faire semblant de les lire. Il racontera dans ses mémoires, quand les gens savaient pas lire la musique, il les faisait jouer, ils apprenaient par cœur, mais devant une partition, pour avoir une certaine tenue. Il est très rigoureux dans la conduite des orchestres, etc. Donc dans le Klee Club, il va former un orchestre, donc où il y aura jusqu'à 120 musiciens. 120 musiciens. Ouais. Ils vont faire le premier concert avec des musiciens noirs au Carnegie Hall, tout de même, avec ces 120 musiciens, et d'après ce qu'on raconte, il y avait 10 pianos sur scène. Parce qu'à l'époque, bien évidemment, il n'y avait pas de moyens d'amplification, et donc si on voulait faire du bruit, il fallait beaucoup d'instruments. Lors de ce concert au Carnegie Hall, il va faire sauter la color line. Non seulement il obtient de jouer avec un orchestre noir au Carnegie Hall, mais en plus, il obtient que dans la salle, noir et blanc soient mélangés. Bon, il y aura beaucoup plus de noir que de blanc, mais ça, c'est un détail. Il a également une capacité de mélanger les couleurs sur scène, puisque il va travailler avec un couple de danseurs fort célèbres à l'époque, oui, qui vont être plus tard immortalisés par Fred Astaire et Ginger Rogers au cinéma. Alors, c'est le couple des Vernon, Vernon et Irene Castle. Elle est américaine, lui est anglais. Ils sont venus à Paris, ils ont mangé de la vache enragée, ils deviennent célèbres à Paris, et donc le producteur parisien les renvoie à New York, où ils deviennent la coqueluche des soirées mondaines. C'est eux qui vont lancer le foxtrot, qui vont lancer des tas de danses animalières à l'époque. Il y a la danse de l'ours, la danse du dindon, et ils créent une académie de danse. Et en fait, il se trouve que dans une soirée, ils sont accompagnés par l'orchestre de James Reese Europe, et ils décident que dorénavant, ils ne seront plus accompagnés que par James Reese Europe. Ils ont une espèce de contrat d'association, ce qui est intéressant entre des noirs et des blancs. Il n'y en a pas un qui embauche l'autre, mais ils s'associent. Et ça, ça ouvrira la porte à James Reese Europe à des choses nouvelles. En particulier, il aura accès au studio des majors et il fera un premier enregistrement en 1914 avec une major américaine parce que il est parrainé par des blancs. Et cette association marche très bien, donc il compose pour les Castle, donc il y a des musiques qui s'appellent Castle Walk par exemple, donc c'est pas la danse du château, mais c'est la danse des Castle. Et donc en 1914, il devait partir pour une tournée européenne, donc James Reese Europe et les Castle. Le danseur, lui, s'engage dans l'armée anglaise, et donc ça fout en l'air la tournée, et il sera tué à l'entraînement, et donc ça arrête cette coopération qui était assez extraordinaire pour l'époque, on va le dire comme ça. I thought you could be a first dancer, a very beautiful first dancer. In the story of Vernon and Irene Castle, the last RKO classic from the incomparable Fred and Ginger. Donc ce James Reese Europe, qui est célèbre, etc., s'engage dans le régiment qui vient d'être créé de la garde nationale de l'État de New York pour participer à la guerre. Il est très lié au mouvement noir américain, au mouvement intellectuel, mais il n'y va pas pour faire de la musique. Et le colonel qui commande ce régiment, un jour, apprend qu'il a Gentry's Europe dans ses troupes, en quelque sorte, et pour donner du vernis, du lustre, etc., à son régiment, et pour aussi pousser les Noirs à s'engager encore plus, il va demander à Gentry's Europe de monter un orchestre. Et là, il le pousse au devant de la scène. Il le pousse au devant de la scène, et là, Gentry's Europe lui répond, alors après, c'est toujours pareil, hein, c'est ce que raconte Noble Sissel, ou un tel, on n'était pas là pour le voir, il n'avait pas une grosse envie de le faire, et il lui dit, moi, de toute façon, un orchestre militaire, ça m'intéresse pas, parce que c'était 28 musiciens pour un régiment, il dit, moi, moins de 40 musiciens, je fais pas un orchestre, et puis, il faut que les musiciens soient bien payés, et puis, il faut pas que ça soit n'importe lesquels, etc., donc en gros, il me faut $10,000. Le colonel, qui est un blanc, avocat d'affaires, qui voit son intérêt personnel avec ce régiment, mais qui n'est pas raciste, qui sait travailler aussi bien avec les blancs qu'avec les noirs, ben, part à la chasse au sponsor, va finalement tomber sur un magnat de l'acier de l'US Steel, qui va lui donner un chèque de $10,000. Et du coup, Gentry's Europe se retrouve avec $10,000 en disant, il faut que je monte mon orchestre. Donc, il va chercher des musiciens. Avec certaines difficultés, certains le suivront très volontiers, d'autres n'ont pas envie de partir à la guerre. Ils savent que c'est une boucherie. Et donc, il va même jusqu'à Porto Rico pour trouver des clarinettistes, etc., qu'il avait rencontrés dans certains machins, ce qu'il n'en trouvait pas à New York. Et donc, notre régiment est prêt, notre orchestre va bien avec. Il part avec les musiciens qu'il voulait et faire la musique qu'il voulait, et il débarque à Brest. Et la première chose qu'ils font en débarquant à Brest, ils jouent une Marseillaise façon ragtime. Rejoindre Frémaux, il va falloir qu'on accélère un peu l'histoire. Donc ce régiment est versé dans le service of supply, et le colonel du régiment va se battre pour dire, attendez, moi j'ai des hommes qui sont prêts à se battre. Et de l'autre côté, l'armée française insistant vis-à-vis de l'état-major américain, en disant, envoyez-nous des hommes, on a besoin d'hommes. C'est au moment où le front de l'Est s'arrête et qu'on sent qu'il va y avoir besoin de beaucoup d'hommes pour contenir les Allemands. L'état-major américain est très réticent à envoyer des Noirs au combat. Et puis il y a toute une discussion de marchands de tapis qui arrive en disant « Envoyez-nous des hommes, alors je veux bien vous les envoyer, mais on n'a pas de fusils. » L'armée française répondant « On a des fusils. »« Oui, mais vous n'aurez pas les cartouches, on n'a pas les mêmes. »« Bon, mais on leur fournira les cartouches. » Et finalement, l'armée américaine dit « Ok, vous les prenez, vous les entraînez, vous les habillez et vous débrouillez avec, on ne veut plus en entendre parler. » Et donc ces soldats sont versés dans l'armée française. Ils vont être équipés avec les vêtements américains, mais tout ce qui est casque, cartouchière, sac, etc., au début de la guerre, ça va être des équipements français. Ce qui donnera un sentiment quand même à ces soldats de ne pas être vraiment américains, et n'oublions pas qu'ils sont partis pour montrer qu'ils étaient, ils veulent acquérir leur droit civique. Quand le régiment était à Saint-Nazaire, ils ont été envoyés à Aix-les-Bains, et donc là, on a mis l'orchestre de Gentry's Europe à Aix-les-Bains pour égayer les soirées, et donc ils ont commencé à jouer là-bas au casino d'Aix-les-Bains, tous les soirs ils jouaient, ils sont restés un mois et demi, alors après ils jouaient un peu à droite à gauche à Chambéry, etc. autour, et en traversant la France pour aller de Saint-Nazaire à Chambéry, ben, ils s'arrêtaient, quand le train s'arrêtait sur la gare, ils descendaient sur le quai, ils jouaient. On peut dire que c'est la première tournée de ce qui allait devenir le jazz, et donc les gens ont découvert cette musique. Et ensuite, quand le régiment est versé dans l'armée française, et ben l'orchestre rejoint son régiment et ils partent au front, etc. Et donc, ils font la guerre au front. Ils arriveront en avril 1918 sur le front et ils le quitteront le 11 novembre 1918. Une fois qu'on a su tout ça, on a dit qu'il faut faire quelque chose. Et puis, on a cherché de la musique jouée par Gentry's Europe. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Comme je vous l'ai dit, il a enregistré un disque en 1914. Et puis, quand il est revenu de la guerre, il enregistrera aussi un certain nombre de morceaux, dont certains qu'il a composés au front. Et on s'est dit, il faut rejouer cette musique pour le centenaire de cette arrivée du jazz à Brest, on l'a appelé comme ça, bien que ça soit pas du jazz et que finalement il ne soit pas resté très longtemps à Brest. Et on a cherché quelqu'un qui serait capable de jouer ça. Et donc il y a un orchestre qui s'appelle le Spirit of Chicago Orchestra, qui est un orchestre de musiciens, à la fois des musiciens de jazz, des musiciens classiques venant de différents horizons, qui joue de la musique de ces années 1910-1920, à la manière de l'époque, avec une batterie, pas tout à fait l'époque, mais voilà, c'est leur style, etc. Et donc on les a rencontrés en disant, ben, ça vous dirait pas de faire ça, de jouer quelques morceaux de Gentry's Europe à la manière de Gentry's Europe, comme il le jouait. Et rapidement, on est tombé sur Stan Laferrière, qui est un arrangeur de jazz, qui nous a dit, ben, moi j'ai déjà un peu travaillé sur James Ridge Europe, j'avais un ou deux morceaux qui m'avaient intéressé, etc. Et on pourrait faire quelque chose. Et puis, petit à petit, en discutant, etc., on s'est dit, eh ben tiens, banco, il va falloir écrire quelques morceaux. Et Stan Laferrière nous a proposé, et si on jouait les mêmes morceaux, les mêmes thèmes de James Ridge Europe, mais de façon plus moderne. Et donc on a décidé de jouer à la fois un morceau à la manière de James Ridge Europe, et puis de l'autre côté, de le rejouer avec des arrangements plus actuels, arrangés par Stan Laferrière. Alors on a été beaucoup aidé par la mission du centenaire qui s'est montée en France, donc mission du centenaire de la Première Guerre mondiale qui soutenait des projets, et on leur a proposé de dire, ben voilà, on a ce projet avec des concerts. On a rajouté une conférence qui raconte cette histoire qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui, à la fois sur le plan musical et sur le plan historique militaire. Et puis on a fait une exposition aussi pour accompagner tout ça, et on s'est dit, ça serait bien de garder une trace, est-ce qu'on pourrait pas faire un CD ? Et donc la mission du centenaire nous a soutenus, et on s'est mis à enregistrer avec le Spirit of Chicago d'un côté pour ce qui est de la musique de l'époque, et 100 ans plus tard avec la formation de jazz de la musique de l'air, dirigée par Stan Laferrière, et donc qui a enregistré les morceaux de façon plus moderne. Et donc, une fois que ce CD a été enregistré, et ben on l'a proposé à Frémaux. Après une vie des plus extraordinaires, un parcours des plus incroyables, on peut considérer que la fin de James Ridge Europe ressemble un petit peu à une fin en queue de poisson. Alors, peut-être avant d'évoquer, ils vont tous revenir, ce régiment. Il va avoir son heure de gloire à New York. Il va défiler sur la 5e avenue, puis ça va finir à Harlem dans une grande fête. Donc, on reconnaît les Noirs, etc. Mais ça ne dure qu'un jour, du moment qu'après, on va passer à l'été 1919, qui s'appellera le Black Summer, le Red Summer, ou le Bloody Summer, suivant les cas, où on va lyncher des Noirs, surtout quand ils sont en uniforme, pour montrer que la ségrégation n'est pas finie. Et lui, James Ridge Europe, dès qu'il revient, il va monter son orchestre avec des musiciens qui étaient avec lui, qui va s'appeler les Harlem Hellfighters Band. Harlem Hellfighters étant le surnom donné au régiment, les combattants de l'enfer, c'est soi-disant les Allemands qui les ont surnommés comme ça. Et il entreprend une tournée aux États-Unis. On est en 1919. Il rentre en février, il commence ses enregistrements en mars, et il est assassiné, alors je crois que c'est en mai, du coup, j'ai plus la date en tête au moment où je vous parle. Assassiné, il va finir assassiné. Alors il va finir assassiné par son batteur. Comment il est mort exactement, je peux pas vous le dire. En tout cas, il y a un couteau, et ce couteau est tenu par son batteur, qui s'appelait Wright, qui en fait était un peu son fils spirituel. C'est quelqu'un qui s'est engagé tout jeune, donc qui a fait la guerre avec lui, et donc il connaît les horreurs du front, etc. Et James Ridge Europe le suit et le pousse dans la batterie, etc. Et j'ai l'impression que c'est plus un problème de dispute entre père et fils, en quelque sorte. Et d'ailleurs, ce batteur, il va être jugé, il va être condamné en prison. Quand il va sortir de prison, il va monter un orchestre pour rendre hommage à James Ridge Europe. Par contre, James Ridge Europe va être le premier noir à recevoir des funérailles nationales, officielles. Tribute to James Ridge Europe, c'est interprété par deux formations de 11 musiciens chacun. Spirit of Chicago Orchestra, ça c'est pour l'interprétation historique et la formation de jazz de la musique de l'air sous la conduite de Stan Laferrière pour la version moderne. Pierre Lecas, merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci à vous. Ladies and gentlemen, Histoire Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté, dans lequel vous retrouverez demain un autre développement du sujet.